429. Observation. Agreement in number. Singulier. Le jeune homme va être brésilien. Pluriel. Les jeunes gens vont être brésiliens. Singulier. La jeune fille va être brésilienne. Pluriel. Les jeunes filles vont être brésiliennes. Number, the difference between plural and singular, is reflected in articles, nouns, adjectives, and verbs. If a noun is a plural, accompanying articles and adjectives will also be plural. Note that in spelling, a final S is usually the mark of the plural in nouns, articles, and adjectives.